émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial l'entourage. Passez une bonne soirée et bienvenue dans le Planète Rap consacré à l'entourage, le collectif. Il est là où pratiquement, petit à petit, ça arrive dans le studio. Il y a une partie de Escrew qui est là. En place. FG est là aussi. Exactement. Il y a Gin Alpha qui arrive. FG. Bon, tout le monde va bien? Ouais. Oh. Ça va bien passer la soirée hier? Ouais. Chacun fait des trucs différents, donc on est parmi encore. On a un gros live hier soir. Hein. Oula. Ah ouais. On nous en a grave parlé aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc ce soir, on va essayer d'être à la hauteur. Ah ouais. Gros live qu'on peut voir encore sur skyrock.fm. Allez cliquer un peu partout. Ce soir, il paraît que vous remettez ça. Et demain soir et après demain soir aussi. Ouais, tous les soirs. On est gâtés. Tiens, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, petit aperçu de ce qui s'est passé dans l'émission. L'entourage, c'est un collectif parisien qui est composé de plein de rappeurs qui sont tous connus, pour certains depuis très longtemps et pour d'autres, en tout cas la majorité en 2007-2008. Très vite, c'était le nom d'une bande de rappeurs qui étaient potes entre eux. À quoi ça sert de faire des battles contre les mythos? On est malade, pas le temps de se battre contre les micros. Moi, je vais te faire fermer ta gueule et d'ailleurs, je compte le vif. Okay. Disons qu'on est des gens que t'es contre les rimes. Enlève ton masque, jette-moi dans les yeux, pas tromperie. Et yo, qu'est-ce qui se passe? T'es plus qu'une coquille. Nouveau point ton pompé l'impuis ton vif. Y'a que les vrais qui savent ce qui se passe. Derrière tout nous, tu te reconnais poteau. Fais pas ton bourré, assure les bons pour vendeur. T'es qu'une poupée entre les mains des bestos. Traite son de vrai balance. Ouais, je m'étais de la bande. Ouais. Conseil avant que tu mènes à temps. Yes, c'est l'entourage, jeunes entrepreneurs. Le genre de crew, c'est espèce, le genre de crew. Y'a pas de meneur. Et tu le vois bien, ça kick derrière, ça crie comme des bêtes. Une sacrée équipe, y'a que des têtes. Y'a de la tech. Ici une bonne semaine. Avec une nouvelle perte semelle, se termine avec une perte femelle et de l'herbe fraîche. On hackard Cupidon, ma belle, on lui pique ses flèches avec, on te pique les fesses. J'ai souffert dans le calme, ça prouve que mon parcours est crédible. Coup de pelle dans le crâne, c'est jaloux, soit ouvert d'esprit. Si tu banalises ce que je dis, on te malmène jusqu'à ramper quand le cannabis fleurit. Poto, ça freine la santé. Véritable fille du genre, garde les stigmates. Depuis j'apprécie les paysages et je fume de l'herbe. Médical. Voilà, petit aperçu d'hier soir, petit concentré, hein, mais on a eu en tout près d'une vingtaine de minutes de live. C'est ça. Avec l'entourage, ce soir, ils remettent ça à pas louper. Le hashtag, c'est l'entourage sur Skyrock. L'album, ça se passe bien, hein? Ça se passe super bien. On est toujours premier du classement iTunes. On a des retours de malades. On a un clip qui arrive, un freestyle avec Bouscapé qui arrive. Que demander de plus? Ouais, un Planète Rap, on retourne le truc. Mmh. Et ça continue ce soir entre 20 et 21. Vous allez pouvoir découvrir aussi donc l'album qui est sorti hier. Ouais. On peut le commander digitalement, c'est numéro 1 actuellement. Yes. Ça se passe plutôt bien et même très bien pour vous. Grave, ça se passe à fond. En attendant de partir aussi, alors pour une date pour l'instant exclusive à Paris. Ouais. 14 juin. Une date unique. À l'Olympia. Exactement. Donc loupez pas, les places sont en vente, il en reste quelques-unes je crois, donc faut se dépêcher. Ouais, faut faire vite, c'est le 14 juin, il y a SPM en première partie, il y a une autre première partie qu'on va bientôt annoncer, il y a des invités de fou, tout l'entourage au complet, quasiment du jamais vu sur Paris. C'est un concert qui va durer combien de temps? Oh là, ça peut durer 3 heures ça. Franchement, on a tellement de sons, tellement de trucs. Là, t'as vu, on n'a pas encore fini les répètes, donc on finit ça la semaine prochaine après Planète Rap, et on verra combien de temps on a de show, mais ça risque d'être très long. Hein. Ça risque d'être très long. Ah, j'en aurai quelques têtes qui arrivent. Voilà, il y a deux airs dans les locaux. Dooms derrière toi, Dooms qui vient d'arriver aussi. Voilà, ça se salue, tout le monde se salue. Et pour débuter, histoire de bien commencer le Planète Rap, on met le comme ça. Vas-y, comme ça, sur une prod de DJ Elite qui est derrière. Blackbird, comme ça, c'est le S-Crooms de l'album L'Entourage. Encore une soirée dans Paname, le lendemain les gens travaillent. J'ai pas d'entrave, je sors tard et je rentre ravagé. Bégo calciné, au sol avec mes pantalons tassés. Je sors le temps d'enfiler mon pantalon froissé. Il fait un temps à surfer, une sœur m'a dit qu'elle sortait. Avec ce que j'ai absorbé hier, j'ose pas l'embrasser. On partage en sorbet ensemble, on se remet en scène. Des sornettes et je repense à l'an passé. Comme chaque été, chacune de mes têtes était sous grosse cam. Dans le zoo, à péter des tailles de zoo, Blanca. Avec des sous pour mes poches, trompe pour remplir les poches. On les pochoirs, les poches, chiche, kebab, poche. Je me demande le peuple, je me contente de peu. Peu de monde le peut, moi je peux. Avec autant de bœufs, j'entends les puffs, puffs, t'es tout grasse. Au ref, si t'es pef, fen et tout as. Je débarque dans la fête, c'est la traque. Je suis insolent tel un dragueur. Yeah. J'ai fini la tête sous un collant tel un braqueur. Je sais m'y prendre, bébé, c'est mi pro. Je suis semi-pro, je parle pas que de ce micro. Je me bitch comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites lobes ça. On voit une tige comme ça, comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tise comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. C'est ça. Dans ma vie, je suis le king, ne teste pas. T'es pas. J'étais la bandit de ville qui te guettera. Guettera. C'est la routine qui fait devenir flemmard. Très calme, le mécra. Mécra. Si tu me casses les couilles, je te quiebras. Vrai ça. Westside. Westside. C'est le gars. J'ai car ne teste pas. Donne pas ton avis si tu n'as pas le sang chaud, gros. Je vais le montrer à une fille et c'est un train fantôme. Lâche l'affaire, toi tu peux être les plombs, moi. Y'a que pour les bières que je préfère les plombs. Je fais partie de ces gens trop sincères pour ce monde de vicieux. Donc j'ai pas prévu de plomber, mais tu m'as jamais vu trembler. Pourtant une vie peut s'échanger contre des mille œufs pendant que je longe le vide. Viens pas parler du danger, faut des bas souffles d'une atroce stérilité. Pour te duper, c'est les filles, bien que les salopes ne cessent d'imiter. Je suis qu'un homme, j'aime les femmes à forte fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort devrait diviser. Ouais. Je prétends pas résoudre les problèmes du monde. Je veux juste être honnête avec mes collègues. Ne jamais déconner. Pour le gros derge d'une blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerces surplombent. J'ai des bitches comme ça qui font des pipes comme ça. Et que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey. Je préfère les petites clopes ça. On voit une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tise comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. J'aime les bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites lobes ça. Envoie une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Jeunes entrepreneurs, dans les bacs, l'entourage bébé. J'ai des comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. Non. Big five pour ma whole kicker. On dit donc 15 près des roues, les immeubles, près des sournois. Sournois. C'est quand t'as plus d'oser que les gens disent au revoir. Y'avait des gens bizarres, mais surtout des bastons. J'allais au champ de Mars à la recherche de bastos sous bastis. On était clean, hold black avec de la weed comme ça. Avant que le fix ça, on a tout mis dans ça. Comme ça, jeunes entrepreneurs, allez pécho ça. Yeah, l'entourage, on est toujours là. Le 14 juin à l'Olympia. DJ Elite, DJ Elite, DJ Elite, DJ Elite. À l'instant, une prod donc signée DJ Elite. Ce morceau s'appelle Comme ça, avec l'entourage Jeunes Entrepreneurs. À l'instant, on n'a pas dit un mot d'ailleurs sur le nom de cet album Jeunes Entrepreneurs. Ouais. Il est né à quel moment le titre? Il est né à la fin de l'album quand on s'est rendu compte de tout ce qu'on avait dû faire pour réussir à s'organiser entre les tournées de chacun, les CD de chacun, la conception du disque, le mix, le mastering, les clips qu'on s'organise, on s'organise entre nous pour faire les clips aussi avec des potes, avec des gens qu'on connaît. Ouais. Et on s'est dit, putain, qu'est-ce qui nous représente le plus, c'est qu'on est des jeunes entrepreneurs. Chacun surtout dans notre. Jusqu'à présent, maintenant, quand tu fais du rap, c'est plus juste tu fais de la musique, t'écris tes textes, tu dois vendre du merch, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te débrouiller pour financer tes clips, etc. Donc, jeunes entrepreneurs, je pense que chaque rappeur aujourd'hui qui s'estime être un rappeur et qui veut faire carrière, d'entreprendre, tu vois, il est obligé. Non, moi je trouve que c'est notre différence avec le reste du rap français, c'est que nous on veut tenir les rênes de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire notre business en même temps notre engagement dans la musique, les gens avec qui on travaille, etc. On reste vraiment dans un cercle fermé et du coup c'est pour ça qu'on est très proche de notre public, on communique avec les gens directement, tout ce qui sort c'est validé par nous. Parfois on a du retard parce que c'est nous derrière l'ordi, derrière le compte Twitter, c'est pas un manager ou quoi que ce soit. D'ailleurs on n'a pas de manager. Et voilà, jeunes entrepreneurs, c'est aussi pour tous les petits business qui se passent à côté aussi, il n'y a pas que le rap. On veut vraiment que personne nous impose rien en fait. On veut vraiment faire notre direction artistique comme on l'entend, faire les sons qu'on veut au moment où on veut et que personne nous dise quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand on rend un produit, on le rend fini, terminé. Est-ce que c'était un truc compliqué à apprendre justement? Parce que quand on est passionné, quand on fait du rap avant tout par passion, et c'est ce que vous y êtes tous il y a même une dizaine d'années. On a mis 3 ans. Voilà. 3 ans à apprendre. Comment on apprend justement? Est-ce qu'on prend exemple sur des gens déjà qui ont eu un parcours ou... Ouais. C'est beaucoup de discussions avec d'autres, Nous on avait une image de certains indés qui étaient peut-être faussés ou quoi. En tout cas, ça nous donnait envie de faire ça. Des organisations comme Time Bomb, etc. Mmh. Le Secteur A. C'était des, en même temps des gros travails de potes et d'indépendance et en même temps, du putain de Peura, et ça nous a toujours fasciné, je crois, dans, je crois que pour chacun c'est un peu ça. Ouais. Après on apprend toujours en se lançant, en prenant des risques. On a commencé, on a monté pas mal de labels, on a monté une asso avec l'entourage, on savait pas du tout comment s'y prendre à la base, tu vois, il y en a plein, ils ont pas de diplôme du tout, on a arrêté l'école pour la plupart assez tôt, mais on a appris sur le tas et on s'est motivé pour justement garder notre truc pur et faire ce qu'on a envie. Voilà. Et ben on le découvre maintenant et ben ça marche plutôt bien en plus. Attends là. Jeunes entrepreneurs. Jeunes entrepreneurs. Premier du Top Itunes, donc le nom était bien trouvé, j'ai envie de dire. Exactement. Sur Skyrock on va découvrir d'autres morceaux. Qu'est-ce qu'on va mettre ce soir, messieurs? On a parlé d'Invasion. Ouais, on a parlé du Vicieux aussi. Le Vicieux, Invasion. Vicieux. Des morceaux qui nous ont été réclamés sur Twitter. Donc voilà, hashtag jeunes entrepreneurs, les gars, continuez à réagir, ça fait super plaisir, on lit tout. Et le hashtag l'entourage sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Hier, on était deuxième en TT. On peut aller plus loin. On peut être premier. On peut aller plus loin. Bah oui, aller plus loin. On sera soir. Premier chaque soir. C'est sûr. Donc, allez-y. Sinon, dans la team, il y en a qui sont très fouteux ou. Ouais, il y en a pas mal. Ultra parisien. Hier, on a des ultra, ultra parisien. C'est ultra parisien, mais. Donc, ultra parisien. Plus fouteux que d'autres. Parce que ce soir, il y a France-Norvège, premier des matchs avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc, match amical, hein, ce soir. France-Norvège. Bah, on prend ça t'inspire, Doom, ça t'inspire ou pas? France-Norvège. Toi qui es norvégien, je me sens pas vraiment français, je suis plus norvégien. T'es plus norvégien, oui, je me dis. Je me dis que pour notre patrie, pour notre pays, nous allons botter les Français ce soir. Bon, on fera les pronostics dans un instant, puis on fera un petit quiz, puisque chaque semaine maintenant dans Planète Rap, il y a un petit quiz foot, la Coupe du Monde arrive. Donc on verra qui est le plus fort d'entre vous. Oh merde. Vas-y. Moi je te réponds mes craintes. Ce sera un quiz chacun pour sa gueule. Je vous le dis, ce sera pas un quiz collectif. Okay, vas-y, moi je mise tout sur mes crânes. Allez, à limite j'accepte peut-être le collectif Escrow, c'est un entourage et encore. Parce que je sens que Nekfeu est un peu. Ah ouais, moi je suis largué, laisse tomber. On fait que du son. Je sens qu'il est un peu plus basketteur que footeur. Même pas. Fou, moi je fais du son. Bon, on est claquette. Et ben dans un instant, on se fera ce petit quiz ensemble. Et qu'est-ce qu'on écoute de jeunes entrepreneurs maintenant? Invasion. Prépare l'invasion. Vas-y. Défi dans le lit, dans le viseur des nazis. Invasion. Prépare l'invasion. Vas-y. Prépare. La hype, je connais le tableau. Ni qu'un vernissage quand y'a des biatchs à ma table. Ni pervers, ni sage. Ramène tes copines ce genre de bonasse. Fais-le pour mes potes, ils sont palés. La pute habite une chambre de bonne. Mais je suis rentré dans son palais. Quand tes parents sont pas là, un son calé et mon son calé. T'enlever sans même un seul câlin. Pour les traces sur le sol, y'a du sopalin. Before, after. Before, after. Les bouches se collent et les connes se bougent quand les connes rigolent. L'économie coule et dès que la nuit tombe, les coloris changent et mes collègues collent et les connes se couchent. Si t'as raté les gros titres, je suis sidéré par les groupies. Y'a ma zik à la télé, y'a pas de fumée sans feu pour la cigarette électronique. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défi dans le lit, dans le viseur des nations. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défi dans le lit, dans le viseur des nations. C'est pas le désert ici, les putes criquent et rapportent du blé. L'île de France, c'est pas le désert ici, les putes criquent et rapportent du blé. Jeunes entrepreneurs dans les bacs, l'Olympia le 14 juin. Yeah, l'entourage bébé. Tu es dans une de malade. Canapé en cuir en dessous, c'est de mama, odeur de de salade mélangée à de massage. Les corps se rapprochent, on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. J'aime les bons rapports dans la distance. Quand t'avales, je veux entendre oui mon maître ou tais-toi. Tais-toi. Et ça gentiment, tu seras une petite poulette qui décoiffe. Déscolarisé, on aura tout Romain Michel dans les halls, la misère. On manigance pour les novabilités, pour les modalités, pour que la moralité. J'ai mal dans le poli. Bandit-toi les lèvres. Audit noir et beige. Sors-nous ton regard exotique. Tu veux nous ressembler? Prends de nage. S'il y a des femmes mûres, je veux prendre de l'un. Si t'es comme ça le pute, tu peux prendre ton karma. S'il y a pas de pub, je reste un gentleman. Invasion. Prépare l'invasion. Vas-y. Vis dans le lit, dans le viseur des nations. Invasion. Prépare l'invasion. Défi dans le lit, dans le viseur des nations. grandiloquent. D'épouvantables idées me hantent. Prendre un couteau et te déchiqueter le ventre. Si j'ai le temps, mec, je suis des deux jambes. Je perds l'équilibre entre le yin et le yang. On est tous faits d'ombre et lumière. On fait que lutter dans les bas-fonds de lutesse. Débilement pour des billets de banque. Pour des billets de banque. Laisse m'enfiler le cran. Laisse m'enfiler le cran. Viens pas gratter l'amitié. À moins que tu soignes de cet aspect de qualité. On va faire un tour dans ma cage d'escalier. Je ne savais pas qu'on serait ce nom. Désolé. Ramène une pote, une vraie que non. Ramène une pote, même un l'aideron. J'ai des chiens de la casse qui l'aideront. La télévision vous désinforme. Les poulets aiment se battre plus que préserver un ordre. Nous aussi, mais dans les règles de l'art. Mec, enlève ton armure si t'es un homme. Je pourrais tous vous tuer. Ne me tentez pas. Saloperie, je vous carbonise. Je ne flirte plus avec la folie. J'ai sauté d'une falaise en lui mettant des doigts. One up world. Yeah. Jeunes entrepreneurs, hein. Invasion. Prépare l'invasion. L'enrage tout. Le 14 juin à l'Olympia. Ouais. Ça va être légendaire. Jeunes entrepreneurs, c'est le nom de cet album où on retrouve ce morceau qui s'appelle Invasion à l'instant. Ouais, c'est ça. Avec l'entourage, on va saluer Alpha One qui était pas là Alpha hier. Alpha One et qui est dans les locaux. De débarquer. Ça fait plaisir. De retour, viens d'où de... Oui, tu nous viens d'où? Ah, je viens de loin. comme Corneille. Il paraît que t'es en Hollande. Encore plus loin. Ah oui, plus haut. Plus haut. Norvège aussi. Oh, j'étais dans le ciel carrément. Vous avez été redescendu un peu? Bien sûr, jeune entrepreneur est sorti, il faut avoir les pieds sur terre. Bon, tout va bien, en pleine forme. Ça a l'air. À fond. Je commence à avoir mal au dos à force de faire des allers-retours, mais à fond. Bon, il y a Dean Burbigo qui vient d'arriver aussi. Également. Bon, voilà, Dean qui est en tournée lui aussi. C'est vrai que vous êtes tous parfois en tournée à droite, à gauche. Et ce soir, on joue ensemble. Non, demain soir. Demain soir, on joue ensemble. C'est demain à Magny-le-Hongre, moi, j'ai marqué sur ma fiche. C'est ça. Voilà, au fil 7 à Magny-le-Hongre, toi aussi tu seras là? Bah ouais, on joue avec Dean et le SCRU. Ouais, le SCRU sera là-bas aussi. Et F, bien sûr. Le 29 mai à Toulouse au Dynamo, le 31 mai à Genève, le 7 juin à Maubeuge, le 2 juillet au Festival Paris Hip Hop. 7 juillet à Rennes de Nîmes avec Wiz Khalifa et Kessler Flotter, tu vas pas t'emmerder Dean. Wiz Khalifa s'est fait serrer, tiens, vous avez vu? Ouais, on a vu ça, ouais. Et dans son jet privé, ils l'ont chopé. Bon, il a payé une caution $300 seulement, donc a priori, il n'est pas grand chose. Ça va, il est bien. Il devrait être là le 7 juillet prochain aux arènes de Nîmes, 17 juillet au Festival de Dour pour voir Dean Burbigo et 17 octobre Festival de Marne à Alfortville. Et pour voir tout le collectif Entourage, une seule date pour l'instant. Pour l'instant, à Paris, c'est l'Olympia le 14 juin. Est-ce que vous avez des amis qui sont un peu quelque part dans Paris aujourd'hui ou il n'y a pas ce soir? Il y en a ce soir, toujours les mêmes. On a deux soldats. Et Maître Sidibé. Toujours. On sait le lieu, on peut annoncer le lieu. Ouais, on peut annoncer le lieu. Ce soir, ils sont sur Bastille, au niveau de là où il y a tous les skateurs. Donc, vous pouvez aller les chercher. Hein. Ils sont là, ils ont du matos, ils ont la chasse au trésor, ils sont dans une petite voiture noire. Ils ont des casquettes. Sûrement dans une petite voiture noire. Faudrait les appeler pour voir. Ouais, vous ne pouvez pas louper Quinty Cotton, c'est un tismé avec une grosse afro. Et bon, on va vérifier ça dans un instant. Donc du côté de Bastille, pour ceux qui veulent se pointer, ils sont là tard a priori. Hier soir, ils sont restés tard. Donc ils font leur petit business. Donc allez faire un tour du côté de Bastille. Petit quiz maintenant. Chacun joue pour sa gueule. Je dis ça pour les arrivants, pour Alpha One, pour Dean Burbigo. C'est le quiz de l'entourage, mais autour de la Coupe du Monde, puisque ça y est, on est à quelques jours de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ce soir, France-Norvège en match amical. Petit quiz. Donc on va voir qui est le plus fort, qui est le plus calé au niveau foot. Alpha, ça a pas l'air de t'inspirer. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'air inspiré le foot, hein. C'est quand j'étais jeune encore tout ça, le football. Bon. Alors attention, première question, j'accepte les 2-3 années d'intervalle. Quand a eu lieu la première Coupe du Monde de foot? 1916. Un peu plus. 1932. Ah, dooms. Combien? Non, 36. Non, 30, dans les années 30. 30, bravo, c'est Dooms qui marque un point, bravo. J'ai beaucoup aiguillé, je l'ai aidé. C'était en Uruguay, comme tu savais certainement. Bon, ok, un point pour Dooms. Alors, c'est simple. Le surnom de l'équipe de France, comment on les appelle? Les Bleus. Les Bleus. Hein. Les Bleus ou tricolores, j'acceptais. Deux points pour Dooms, bravo. Bravo Dooms. Dooms, c'est incollable sur le fou. Pour sortir un projet. On l'attend. Attention pour les footeux. Quel est le plus grand buteur à l'heure d'aujourd'hui en équipe de France? Juste Fontaine. Non. Ah, Thierry Henry. C'est Thierry Henry. 3 points. Mais qui lui a filé les réponses? C'est pas possible. J'allais dire juste Fontaine. Moi, j'allais dire autre chose que Thierry Henry. J'avoue, celle-ci, je l'ai entendue. Bon, 3 points pour Double, ça devient tragique pour le reste de l'équipe. Merde. Qui sera le capitaine ce soir du match France-Norvège? FG. Ouais, ce Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, bravo. C'est moi. Alpha One, allez, un point pour Alpha. Bravo, un point pour Alpha. Et puis la dernière, celle-ci, alors, celui qui répond, j'ai envie de lui filer carrément le cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est un album dédicacé de l'entourage. Ouais, vas-y, vas-y. Quels sont les clubs les plus représentés dans l'équipe de France? Le Paris Saint-Germain. Paris, ouais. Pas mal, hein. Il y a en effet Dean, Cabaye et Matuidi. Liverpool. Non. Il y a 15 joueurs. Arsenal. Avec Sagna, Koscielny, Giroud. Le Real, il y a Varane, Benzema. Ouais, il y en a deux. Ouais. Non. Newcastle. City. Newcastle, les amis. Avec Debuchy, Sissoko et Rémy. Et voilà. Bon, le grand gagnant est quand même Dooms. Bravo, Dooms. Qui remporte l'album dédicacé, qui aura ton album tout à l'heure, ouais, en effet. Je rappelle d'ailleurs qu'à propos de l'album, il y a aussi, je sais pas si elle est toujours là, mais à la Fnac, il y a une version collector. Ouais. Je sais pas si on peut encore la trouver, mais il paraît qu'elle s'est arrachée. Il faut vite l'attraper. Si vous la voyez dans les rayons, faut vite l'attraper si vous la voulez, parce qu'il y en a plus du tout en commande. Donc, Elvin, il y a l'album dedans. Ouais, c'est écoulé, là, c'est écoulé. Tout ce qui reste, c'est ce qu'il y a dans les bacs. Ouais. Voilà, pour l'entourage. Voilà. Ça part super bien, ce genre de truc. Ça fait plaisir. Et sinon, il y a aussi, il y a évidemment l'album de l'entourage Jeunes Entrepreneurs. Dans un instant, il y aura le freestyle par téléphone. On attaquera votre live aussi juste après. Parce qu'il y a encore du gros live de prévu ce soir. Ah ouais, on n'en peut plus, là. Et bah, bougez pas, c'est après ça le retour de l'entourage. Comme toi, l'entourage a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. On est avec l'entourage pratiquement au complet. Ça arrive complet, encore. Au complet, je crois. Il y a Flav qui est là, qui est arrivé. Il manque personne. On est au complet, il manque juste Maître CDB et Kenji Cotton qui sont en direct de Bastille en train de filer des t-shirts et des CD. Exact. Et bah, allez leur rendre visite. Et là, par téléphone, on est avec Nino de Clermont. Salut Nino. Ouais, salut Fred. Ça va bien, tu connais l'entourage? Bah ouais, je connais l'entourage, ouais. Tu les suis tous un par un? Bah oui. Bah voilà. Je voulais dire aussi le concert de Escrow à Montluçon, il était lourd. Hein. Ah, c'était lourd, gros. J'ai vu quelques vidéos, j'ai pas pu y assister, mais c'était lourd. Ah, t'aurais dû venir, franchement, grosse ambiance. Merci à tous les gens qui étaient là d'ailleurs et merci aux gens du centre. Bah c'est une bonne ville, Montluçon, c'est bien marré, Nino, quand on y était. Grave. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, on y va? Vas-y. Et après, il y a le son Le Vicieux de l'entourage qui arrive et il y a un gros freestyle juste derrière aussi. 1, check. Ok. 1, 1, 1. J'ai commencé à rattraper pour éviter les soucis. Si je te parle de ma vie, ça risque de finir en suicide. Tu perds du goût à la vie. J'ai pas trop les maisons. Il me faut un grand tube pour faire les malins sur les gens. Le quartier m'appelle en vain. Ça va finir par me saouler. La vie, c'est pas une machine à laver. Pourtant, elle m'a lessivé. J'kiffe pas, mais j'suis bourré de remords. Je dors plus depuis que j'ai le sommet. C'est le cousin de la mort. Eh, j'suis venu t'annoncer la couleur. Hein. Hors de question que j'abrive ta douleur. Eh, j'veux passer de l'autre côté de l'équateur. Nino, 17 ans, j'viens de commencer. Pourquoi t'as peur? Dans la vie, faire la vie comme un Qatari sur Paname. Hein. C'est pas ton aspect qui fait de toi un bonhomme. Un faux se distingue à la portée de son état d'âme. Un vrai se dissocie à ses actions, pas ses paroles. L'amitié fait rare, comme tes vrais sables coutiers. Méga sneak la santé, pour 20 balles ou quelques bullshit. Bullshit, non. T'as fait dans le gardiennage, ou cette bise, ouais. Mais intérieurement, c'est pas ton âge. Moi, ça prend la vie. C'est pas un conte de fées. J'ferai tout mon possible pour que plus tard, j'roule en pépé. Les petites bises et la tease. Garde à des pires kiffs, je fréquente des gens qui sont aussi stables que la tour de piste. Fais que tu kiffes, comment je pire, fais tourner la zette, cela, pas là pour l'argent. Mais si je dois prendre des sous, bah moi je suis là, je sais que je peux tous me les faire. C'est ce que mes potes me disent, pas de joyeux anniversaire, souhaitez-moi de la réussite. Hein, pareil que tu rates, y'a pas de quoi se vanter. C'est aussi intéressant qu'un documentaire sur Arte. Nino, tu connais pas, je cure après les succès. J'ai gravé mon bas sur toutes les tables du lycée. Passe-moi un stylo, du papier, un clavier, un vertier. La deuxième fois c'est mort, si la première fois j'étais averti. Passe-moi un stylo, du papier, un clavier, un vertier. La deuxième fois c'est mort, si la première fois j'étais averti. N-I-N-O. Ok Nino, à l'instant. Si. Merci à toi Nino. Bien vu Nino. Ouais. Lourd, franchement. Je vais faire des dédicaces. Vas-y, ouais, vas-y, on t'écoute Nino. Bah déjà, c'est une grosse dédicace à l'entourage. Une grosse dédicace à merci poteau. Je fais une grosse dédicace à tous mes gars d'FBT, HKN, Brasi, Branco, Mebrook. je fais une grosse dédicace à Nora. Ah, c'est pour dire aussi, suivez-la sur Twitter et Facebook, Nora Music. Je fais une grosse dédicace à toute ma famille. Et c'est pour dire aussi, il va y avoir un son sur ma chaîne YouTube qui va arriver avec Nora bientôt. Eh bah, terrible, je vous salue tous les deux en tout cas, que ce soit toi ou. Ouais. Force, Nora. Force. Eh bah, et courage pour la suite. Ouais, vas-y. À bientôt, Nino. Vas-y, à bientôt. Ciao, mon pote. On est parti pour le morceau Le Vicieux. Ouais, c'est parti, le Vicieux. Et après, on écoute le live. Sur une prod d'Animal Son. Clément d'Animal Son. Animal. Le Vicieux. Le vice se regarde dans le miroir, mais ne voit que le mal et mal, en plus mal que le masque qu'il habille. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien moins de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Le vice se regarde dans le miroir, mais ne voit que le mal et mal, en plus mal que le masque qu'il habille. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien moins de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Il commence sa journée en faisant des grimaces à son miroir. Il prend des gamines, les met sous l'emprise de ses 10 doigts. Il a battu sa femme, il veut le revivre avec une autre. Avant que sa fille rentre, il aime renifler ses culottes. C'est une race de mort, s'enrichir sa priorité. Il sort tard dehors en visite au but frigorifié. Il peut mentir en te regardant dans le blanc des yeux. Il serait prêt à faire des pendaisons afin de monter seul. Le vicieux est complexe, l'esquivé étendu, espiègle. Il t'espionne à la fenêtre avec une longue vue. Si tu meurs, il dira waouh, mais te sourit et te salue. Il tape crime sur Yahoo, met du cyanure dans ton yaourt. Il est stick me, prisonnier d'un monde pervers. Il glisse son zizi contre des fesses dans le RER. Il a horreur qu'on le déteste, mais trompe ses frères. Crary, c'est lui qui criait. Plombe les traîtres. Le vice se regarde dans le miroir, mais ne voit que le mal émane en lui malgré le masque qu'il a mis. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien moins de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Le vice se regarde dans le miroir, mais ne voit que le mal émane en lui malgré le masque qu'il a mis. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien loin de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Père souvent, c'est ceux qui répètent sans cesse. Sa voix fait l'effet d'en fait, tu te souviens de napper. Et c'est saoulant, il dit qu'il est né pour vendre. Mais sort d'un film d'épouvante, c'est éprouvant. Et pourtant, avec sa parole, il peut t'embobiner. Sans sanglot, c'est dans le dos qu'il te bloque l'opinel. Quand il te sent dominer, il prend la fuite comme une vermine. Et s'il prend de tes nouvelles, c'est pour te vendre une berline. Kiffe le bif et dépend, des gens ce type est méfiant. Le vicieux est sociable mais cache un vice effrayant. Il analyse chaque ami afin d'arriver à manipuler sa cible. Le paradis n'est pas sa priorité, il est déviant. Quoi qu'il en soit, il n'a aucun scrupule à rendre sa fiancée dans un passage lugubre. Aucun sourire honnête pour ce gars-là. Avec un sourire aux lèvres, il te balade. Le vicieux n'attaque pas de face. C'est toujours dans le dos que les poignards fusent. Donc il dort, c'est loin de la flûte. Les yeux vides colis de vicieux. Aime les films pornographiques. Fait vivre comme un demi-dieu. Il baisse des nippons en plastique. Un fétichiste. Il prend son pied quand il s'en prend au fait. Il agrandit son cran. Fétichiste dessus. À chaque fois que sa petite taille le rend inférieur. La noirceur le tiraille de l'intérieur. Le vicieux. Le vicieux se regarde dans le miroir. Mais ne voit que le mal émane. En lui malgré le masque qu'il a mis. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien loin de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Le vice se regarde dans le miroir, mais ne voit que le mal émane en lui malgré le masque qu'il a mis. Il ne manie la magie, mais n'a jamais la même image. Il est bien loin de l'homme gentil que tous les gens qui l'aiment, imagine. Jeunes entrepreneurs, ce morceau s'appelle Le Vicieux. C'est l'entourage. Ouais, ouais. Jeunes entrepreneurs, le 14 juin, on va prier l'Olympia. Ouais. Le morceau s'appelle Le Vicieux à l'instant sur Skyrock. C'est extrait de l'album. Hier, c'est vrai qu'on disait que l'album a aussi été enregistré au calme en Ardèche pendant une quinzaine de jours. Ouais, c'est en partie. Exactement. En partie. Une partie, partie à Paris. Voilà. Une grosse partie aussi. On disait qu'il y avait une ambiance peut-être parfois un peu plus piscine et d'autres un peu plus cave. Celui-ci est quand même plus sombre, hein, celui-ci. C'est... Ouais, celui-là est sombre. Ouais, il est cave. Il a été écrit. Il était en Ardèche. Il a été écrit aux dernières heures de la nuit, celui-là. Il n'y avait plus rien dans le frigo. Il restait 2-3 céréales qui traînaient. Ah, il y a plus le vrai visage des gens. Dans le placard. Ouais. Il y a eu des trafics de granola. Et ça a donné lieu à ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Celui-ci en plus est enregistré en Ardèche, peut dans une baraque paumée. À un moment, tu te fais flipper avec le son. Non, c'était pas une baraque paumée. T'es fou. On se regardait tous dans les yeux. C'était quand même pas mal paumé. Ouais, mais c'était beau. D'accord, merci pour ce petit point Ardèche. De rien. On y reviendra demain encore. Entre 20 et 21, est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Ouais, je crois qu'on est prêts. Hein. On est toujours prêts. 20h30, on peut attaquer maintenant. DJ Elite est au platine. C'est quand vous voulez, messieurs, c'est parti. Jeunes entrepreneurs, ouais, l'entourage, bébé. Yeah, ça fait jeunes entrepreneurs, check. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier Olympia. Ouais, jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Gloss rouge à lèvres sur mon anaconda. Vois la drogue, on fout la merde dans ta baraque, on se lâche. Tu tapes pas mon âge, plus speed aya dans le crâne. Dans ma grotte, la roue s'arrête, j'ai rien à part mon mic. Je suis tirant ce divan qui tire dans le silence. Attirant les fiches, prends la tise en m'étisant. Ma vie semble excitant que ma rime dans terre vivant. Lâchez la bite à l'air ainsi qu'à lèvres. Tu glisses dans tes petites dents, je suis petit, genre je voulais le divan. Mais je suis assis dans la mouise en me disant que c'est triste. En effritant du shit, en évitant les schmitts. Mon équipe prend le mix, ça fait 10 ans. Avec ma clique, on réside dans la ville où t'es vite grand. J'arrive en évidence comme un attentat. Tant que t'attends pas, je balance mes gars, tranche ta langue sale. Et c'est pour tout l'underground et toute la foule hors demande. Est-ce qu'on fout l'ambiance un peu comme Cool Underground? Pour tout l'underground et toute la foule hors demande. Est-ce qu'on fout l'ambiance un peu comme Cool Underground? Dans les recoins du cerveau existe une case sombre, une case dont la cassure peut causer la putain d'hécatombe. Ah, check, c'est comme ça mec, je me suis foiré, c'est pas grave, freestyle d'enfoiré, on va faire ça toute la soirée. C'est comme ça le flow limpide, fuck les rapia, je fais ça haut la main, le 14 juin c'est l'Olympia. Ah, et ouais mon gars, on fait des dégâts, reviens nous voir un de ces soirs quand tu feras ça avec tes gars. Ah, tu vois comment ça se passe, on est autour du micro en cercle, c'est net le fenec mec, tu vois que tu as l'ancienne. Prends un livre d'hydro, tire, beurre, bigo, J'fume une livre d'hydroponique, vends un livre de philosophie. Je me livre au microphone, oui, je décris que mille potos vivent. D'ailleurs, bigo, c'est ça qui se passe. L'entourage, jeune entrepreneur, c'est satisfaisant. J'fais le truc en V, c'est nous qu'on a le vent. Fais le truc, mon gars, et les calibres sont putain d'allemand. Jeune entrepreneur, Jazzy Buzz, on dit quoi ma gueule? Hey yo, est-ce que tu imprimes toutes les erreurs ou appris au bout de 17 ans ou 10 secondes après? Nous on a pris des chemins différents de ce monde abstrait. Tuer le temps c'était distrayant, mais refaisons la paix. Nous recevions le présent tristement, marre d'engloutir ma joie. Ouais je sais qu'avec le temps, on oublie le visage et on oublie la voix. Pénible évidence qui figure dans nos gueules de bois. Je profite de mon heure de gloire avant la minute de silence. Avant que j'en parle au passé, la vie c'est instable. D'un coup, t'embrasses le pavé et on passe le balai. La routine s'installe, chaque jour un grain de sable. La mort peut être un désert comme une plage de galets. Ma ville, mon équipe et mes fréquentations. Si tu ne fais pas de transactions, évite de taper dans ma cour. Ce ne sont pas des grands garçons, ils font que parler sans action. Tu pourras me suivre sur Twitter, mais jamais dans ma cour. Et si j'ai quitté ce monde, ce sera jamais sans la richesse. Malgré mon tabac zané qui m'a aggravé le faciès. Je passais mon temps à errer dans Paris Est. C'était souvent un gros bang qui précédait ma sieste. À chaque soirée, une nouvelle embrouille. La vie nous laisse dans le doute. Même si t'es dans le move, c'est chiant de vivre tous ces rêves en bout. Les coups durs arrivent quand je commence à apprécier la vie. À quoi bon se marier, voir ta femme chez des amis. Et dire, fais des balises. Non, moi, je préfère poser des rimes fédératrices. J'ai plein les textes coffrés. J'estime que j'ai de l'avenir et à long terme. Être libre, c'est ça qu'on aime. Avec le temps, jeunes entrepreneurs, elle a du sang douté. Nouvelle paire, nouvelle veste. Mes douteurs, tout se plaît. Doit se questionner nuit et jour. Comment je fais pour graille ou genre? Et avec qui? Mais laisse tomber, je fais ses coudes. File et ça déteint sur son moral. C'est dommage, le collal et les coups de vie, ça me plaît bien. C'est ma vie galérien. Je veux croire que je suis à l'hôtel. En vrai, genre sur un parking aérien. Parc, on voit sourire. Je suis marqué par la vie retrait. On m'a pas tout dit. Oui, le vice t'analyse de près. La vie était puissante. Ma de ses filles séduisantes. Je suis décalé. Je fais des journées noires et des nuits blanches. Aujourd'hui, je suis dans le rap. Hier, je faisais des vidanges. Qui en cuisine dans l'oreille. A rien à graisse, c'est évident. Déçu par tous ces teutrés qui se croient intouchables. Mais tout ce C2P, tu n'es pas introuvable. Vécu instable pour les gars à Saint-Anne. Tu veux clasher ou même parler, mais ça ne m'atteint pas. Je suis un gars blasé et je me bâtonne grave. Maintenant, c'est ma famille d'abord, mais je suis pas Michael Kyle. on est dans le fasse des lots. Matisse ma guétro, j'ai une descente que tu pourras pas remonter à vélo. Je vis sans vivre, je crois que je suis qu'un fantôme. Putain, les coups par derrière, ça fait froid dans le dos. On est dans le feu de l'action, testerais bien plein de trucs. Ils ont comme seule passion péter un joint de pur. Mais sur moi, je te le rends aucun tube. Pour l'instant, je serre les dents pour éviter de serrer la ceinture. Ma team me guide de près, j'habite le 19ème. Naïf, j'ai déjà dit, je t'aime. Désormais, désolé, je veux de grandes sommes, que les dollars pleuvent. Venir des Richard Branson ou les Donald Trump. Tous mes honnards gueulent qui veulent de l'oseille. Mais ne foutent rien et ont peur de leurs problèmes. Jeune poète, finira dans un rêve. Ou avec une balle dans la tête comme Kurt Cobain. Ils disent qu'il est temps que j'arrête, je m'en tape. Laisse-moi lire mes mangas. Rester gosse jusqu'à 30 balais. Si t'abandonnes, y'aura jamais personne pour te ramener. Mais si tu crois en toi, alors tu peux monter une armée. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Génération 8-7, j'emmerde les putes et les tasses. Y'a rien de plus à savoir, j'aime le rap de rue, vénère sur face. Utilé avec des sauces dans l'eau, rigolant des bolos, ils ont les décassos qui polluent la sphère atmosphère. En nom, rien que ça jacque comme mon boss, il braque les ondes. La concurrence flux, verbal gymnastique, il t'attrape en bomba. Le bitume en fond, même où est-ce qu'on s'aime de couche. Je traîne avec une fine coronde, l'aide et des gens louches. Puis je donne un pas de danse pour tous les louchas. Bouge ta troupe, j'ouvre la soute, sors le HF Pushka. Tout à coup, ça doute, moi je reste cool, va son Bouddha. Puis trace ma route, à la source, on se retrouvera. J'ai négligé les études graves, à la recherche du grade. Tous les jours, 7 sur 7, tu cas. J'esquive les pincettes du crâne. Faut que mes poches prennent du gab, le coffre à l'arrière du câble. Le style de Jimoney avant qu'ils prennent du crack. Dans l'espace comme Apollo 13, follow get les bolos stress. C'est pour les gogo danseuses avec de trop grosses fesses. Les parents sont hal depuis 86. Mon rap devient si artistique, je suis Léonard de Vinci. Si j'empile les thunes, l'oseille jusqu'au ciel. Je dois les battre, j'insiste. Je suis un homme bulldozer, donc je les aplatis, ouais. On fout le bordel sur tous les plateaux que squatte la team. Faut que le truc soit platine. Tes disquettes datent de l'époque Macintosh. Ma team bosse parce que bien rapper ça aide. Comme avoir des amis corse. J'avance sans que mes pieds marchent, j'ai déjà plié le match. J'ai fait vriller comme ce qu'il y a entre janvier et mars. Flex, c'est l'entourage. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. On est une jeunesse prometteuse à la Cory Guns. On fera ça, on brassera des dollars à la Donald Trump. Ne sous-estime pas mon équipage. On est des pirates de haute mer, mes primates te transpercent. Pour ton héritage, en saison estivale, on se balade sur les plages, pioche à l'air avec la festina. Qui c'est sur le poignet, le schlass. Le bloc est dans le short de bas de bas de face. Quand j'aurai le tirage, me tire à Saint-Domingue. Est-ce que tu captes, négus? Des primes de bookmaker pour mon crew, la rage de vin. Et notre devise. Donc embrasse mes flingues, si t'es pas content, je te rentre dedans. Qu'on se dise. Avec mes sauces maliens, file dans des appartements. Haussmanien, en jogging. Jeunes entrepreneurs. Ok, le nom du scud c'est jeunes entrepreneurs. On a fait le truc tranquille pour que tu ressentes un peu le bonheur. C'est comme ça qu'on le fait chaque fois qu'on partage un mic. Chaque fois qu'on kick, chaque fois qu'on est high, qu'on fait les bails. Fuck l'état fédéral. Ouais mon gars, ça fait des rages. C'est pas grave, t'inquiète pas mec, mon âge me permet d'avoir encore un peu de temps pour anticiper. C'est comme ça, tu vois que tous les mecs gentils s'y prêtent. Quand il s'agit de faire tourner le truc, faire bouger les hucs, se prendre pour des ducs. Tu vois manger quelques tucs et se niquer la santé, c'est tranquille. Vas-y mec, balance le truc, on est ce soir tous rassemblés. Maintenant dans mon équipe que des mains tout blournées. On a la rage dans la poche, toi t'as la bouche ouverte. Faudra m'achat prendre un appart et ça à toute vitesse. J'ai plus d'ivresse quand tu me crois pas. Tu ni mec. Nique les traces et les paillettes. Moi j'ai ressemble, j'ai les manières. Verso quatre carrés. Écoute mon clan, on arrive, on va couler le bateau des traits. Tu veux prendre ton tarif, ça va te coûter la peau des fesses. La mise, on est vrai, bah oui. Ça c'est pour mes frères d'Afrique. On a tous été trahis par toutes ces chemettes. Amis, tu me verras toujours partant pour les refrains. Comment ça se passe par ici? Alors, je me balade, c'est l'embarras. Quand t'es pas là, je m'ennuie. C'est mes racines, une partie de ma vie. Ça fume de la weed, encore le Panasonic. Et quand t'es là, tu sais pas de problème. Pas de coke et pas de poème, juste un pack de verre qui me tabasse l'abdomen. assommé, ma pauvre tête importée, m'approcherai-je saboter l'atmosphère. Pas de monnaie, pas de sommet, juste toi qui me lève et qui me fracasse chaque oreille. Tu m'as fait graver sur des papiers tels. La seule qui veut gratter, mais te voir sur mes cahiers de texte. Ok, les cahiers de texte, sur mes cahiers de texte. Ok, cahiers de texte. Un moment de répit, voir un peu de soleil dans ma rétine. Je marche un couteau caché sous mon teddy, dans ma poche de la résine, la déprime dans mon esprit. J'avance dans la nuit noire et puis dérive vers l'interdit, affaibli par la vraie vie. Une épine dans mon cœur comme une épée dans mon échine qui se déchire et se détruit, étouffé par le mépris. Faisant mine que je respire via mon débit, mais je ne récite que le dépit et l'avertissement d'une éclipse. Ouais, je gueule ma peine en guise de rappel. Dites au wack, au rappeur en nerf qu'il se la fait. Ton équipe que des cœurs de pierre qui tissent de la bière. On habite au milieu de la merde, à milieu de la mer, ce qui me guide. Être le digne fils de ma mère avant que le Christ me rappelle et me supprime de la terre. Faut que je chill loin du triple 6 qui scie mes artères. Mec, je frise la crise d'hystérie, je suis triste et amer. Triste et amer, triste et amer, triste et amer. Ils vont boire la tasse, car il faudra nager pour percer ma carapace. J'arrive au palmasqué, armé de mes paragraphes. Blague à part à la base qui fait pas la bagarre. Mais t'as pas le choix à Paname, t'as la poisse, t'es pas à la base. Rien à foutre, je mange à visage découvert et je me ferai ta fille pendant que ta femme videra mes poubelles. J'ai dit voir une explosion, mais c'était qu'une flamme. Dans ton masque de fer, tu te le fais greffer sur le crâne. Ça fait partie du décor comme du rouge à lèvres sur une bouche pulpeuse. Et si un jour je pulpeuse, j'habitue mes proches. J'ai la canicule et proche, remballe ton blablabla contractuel. Ton attitude est moche, c'est une mascarade, on m'a dupé. On m'a dupé. Jeunes entrepreneurs dans les bacs. On dit quoi, on dit quoi, y'a Tibine et l'aventure. Y'a l'Olympia, on n'a pas de devinant. Yeah, on dit quoi? Ah, tu m'entends, tu check avec ça, ma même feu, balance une flamme bleue. Ok, c'est comme ça. Yeah, jeunes entrepreneurs. Yeah. Écoute, quand Ken kick, ça rase, ça fout le bordel comme un truc de Kendrick Lamar. On n'a pas devinant. Qui peut deviner si tu vas devenir un vendu? Moi, un malade dominant. Devant des vilains d'avant, jamais ne me suis rendu. Yeah, check, ça fait. Ok, il est temps de passer aux choses sérieuses. Jolie fille dans l'auto, enlève tes sapés, susméro. La vie, un loto, on est des sacrés numéros. Amène un verre, un mic, un PC. Voisin braille de PC. J'ai dit paniquer ton père, imbécile. En mettant ma paire de Nike à PC. AVC, si tu me vois, c'est AVC. Ça, c'est ton premier coup d'essai. Au deuxième coup d'essai. De la weed, on fera comment? Te tout gras dans le sachet. Quand ça sera vide, on fera comment? On retournera en acheter. Je sirote, tu sirotes, la sirop se fait. On sirote que sirum qui sirote du sirop, sirote du sirop. Faut lever les bras, je fais le rap break que les faux le veulent pas. C'est sucré, prends le chef de Bruce, tu kick bof, pourquoi faire ce truc? Quelqu'un doit faire des textes de luxe, je ne peux qu'être ce Gus. Big Boss, on dirait presque Bruce. La jalousie rend tous les frelons verts. Je prends l'argent et le respect car les deux vont le perdre. Le poids de la honte te brise de nombreux lombaires. Tous les haineux vont perdre. J'apprends à faire les affaires, j'ai déjà les raps sous clé. Je roule un bazooka, elles veulent grave zouker. Je sais pas si les voyous disent vrai ou si les jugements. Check ta jument me sert des jugements quand je lui demande. Ils me croient perdants, je suis un bête de feinteur. Nique les miettes, j'apprends à faire le pain. Y'a mes pieds de perdants sur leur bête de feinteur. Jeune entrepreneur, on est des jeunes entrepreneurs. F, G, E2F, G2F à l'équipe. Je balance toute mon Amérique. Si tu nous croises dans le carré VIP, c'est qu'on mouille le maillot, la l'avait dit. Sur scène, ensuite, vois l'esprit. C'est bordel comme en Palestine. Même mes potes qui fument pas de weed face aux flics deviennent amnésiques. Tu veux t'aise, sois pas débile. Trop d'appétit pour être athlétique. Ta destinée paraît si pathétique. Pourquoi? Car t'as pas d'éthique. M'amène, j'arrête la rétine. Skyrock, on dit quoi? Je t'arrête avec ma rétine. Elle dit Uchiwa. Yeah, entrepreneur jeune. Entrepreneur jeune. Entrepreneur jeune. Jeune entrepreneur, yeah. FD a craché le feu. Tu vois ce que je veux dire, donc je reviens pour tous les gueux. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. On va vous balancer un peu de rime. Mais DJ Elite fait des dingueries. Mais c'est que la mif, les négros sont vifs. On retombe toujours sur nos pattes. En freestyle, c'est comme un que ça se passe. Tu connais Doumams. Ouais, c'est jeunes entrepreneurs. C'est sorti depuis lundi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'arrive et mes types, on est 10. On va la mettre dans la pitch. C'est dit. C'est ça les boys qui kick la mif. Yeah. Hein, jeunes entrepreneurs. Yeah. Hey, tout le monde avec moi là. Yeah. Hein? Le 9-5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Encore l'Aljouin, les gars de mon poste supportent le mouvement. Époque et coup le gang, car le rap français. Puis reviens règle où chacun de mes flows choque les îles grands. Alors sort de la file étante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme. Les types sont carrés frères avec des rimes qui te percutent. Une horde de zoulous derrière et de trois. Les parents se doutent de rien parce que la school me tient par les couilles. Je taffe là les jours et le soir devient l'idole des foules. Ouais, t'as compris mon pote, j'ai un entrepreneur et dans les bacs, va choper ça. Je suis dans ma prochain, mon prochain dans ta pêche. Faut que les mecs qui stoppent les rêves prolixent sous la putain. Les touches mises sur ma fréquence, faut que le SMIC on parle que de moi. Un pour mes frères, deux pour mes textes, farmer, je peux pas te voir. Kiffe mes mollets, à bord d'un X isolé. Et par les bâtons, par les gars, j'envoie les billets violets. J'aime pas les lâches, en starter, je nettoie mes billets, grosse merde. Et puis les vos, je j'envoie les toffes aux petits frères au hell. Les queues, mes roses, style saline et la fille. Et les mecs, y'a que ma grosse bite qui m'arrive à la cheville. Faut si je vous parle les pieds devant, tu vas te les prendre dans la gueule. Pédale, c'est mes hermas qui font pas fait pendant le battle. Le rap c'est décevant, jusqu'à ton c'est décevant. Tu ne peux pas pomper pépèrement, même si t'as des talents d'acteur. Tu veux nous voir dépérir, mais à vrai dire c'est que on apprécie les bénéfices de pouvoir réfléchir. Tu veux pas partir de ces gens qui font blablater. Tu peux pas mettre dans les mêmes sacs, non tu peux pas me saquer. Check, ouais, ouais, ça fait, et fous la merde dans ta ville mentale qui casse des gueules. Quand des cums qui regardent ma zone, t'es chasse, éclate des cups et fous la merde. Vas-y, vas-y, vas-y, fous la merde. Pour mes boucles, la pièce qui te couche et te met des coups par terre. J'ai une tonne d'appel, j'pète à pas comme un mari. Tu veux pour un bon coup, j'ai de la frappe, vote la pêche. Et fais pas l'appel, j'ai d'autres chats à fouetter. La mise, donc c'est pas la peine d'être là à souhaiter, j't'admire. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de bouffon, t'es qu'un petit tas. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de carpat, t'es qu'un petit plat. J'ai oublié d'être con, les autres ont oublié d'être con. J'ai juste à le souligner. On joue aux fléchettes sur vos boucliers. Groupie, tu rêves, liette, mon crouillé. Chaussée des plus fous souliers, continuez de roupiller. Les marques les plus hype veulent leur textile dans nos clips. Les biches les plus soignées veulent leur vernis dans nos slips. Pendant ce temps, la concurrence est très sage. Ils savent que la vestuelle sort du pressing et que mon scud sort bientôt du pressage. On détient toutes les clés des showrooms. Pressé, pressé, j'apprécie ce qui est précieux comme Gollum. On fuck vos trous, boycott votre soupe. Si tu t'approches d'un peu trop près, un de mes Golgothes te joue. J'porte pas de pare-balles, parle mal, je m'en accommode. J'ai des cartes comme des armoires et crois-moi, ils sont pas commodes. J'suis pas le plus rumain, le gars le plus rue que j'connaisse vit sous un carton en bas de la rue Curial. J'opère dans la plus pure classe pour déguster de succulents à muscles dans des succursales. J'suis le genre de comète qui arrive quand tu t'y attends pas. Comme les prophètes, les coups de foudre et les attentats. Lève ta main comme si t'appelais un taxi. Je remets le couvert, j'suis pas passé à table. Ouais, j'ai souffert quand je parais en maps. Si j'ai dû payer pour dire ma vie comme si je parlais à ma psy. Ma morale, c'est une sacrée anarchie. J'ai la force d'un gamin dans des magasins de face et attrape. Oui, monsieur. J'ai la force comme un père de famille. Comme un sage qui refuse la guerre jusqu'à perdre la vie. La force d'un croyant lors des fêtes de la if. J'ai anticipé ça, je gère la crise. La force d'un frère hyper naïf qui opère la nuit. Tout le monde de bouquet, le monde de fou, c'est peu de terre d'Asie. Je monte mon entreprise comme Jimmy Woo. Grande ville, Estland de 1000 ou bien 6012. On bosse jusqu'à de grosses migraines à forte vitesse. J'fais tout ce que j'ai pas appris en cours. J'mets mon propre business. Marre de choisir entre des clopes et un crêpe. Quoi de mieux que de se restaurer puis d'exploser un pet. Mes décisions me sauvent, mais je fais des millions de choses pour que le million de vues devienne millions d'euros. Oui, je m'explose pour diverses causes. En soirée, je suis ivre, je fais des signes West Coast. Normal, je lève le majeur, je change de doigt. Sur scène, c'est poussé index en angle droit. Aujourd'hui, j'ai mangé, demain je travaille. Quoi, dans les recoins de Paname où les gueux d'un se baladent. Laisse-moi vivre un peu. Quoi, en pécage, je régalise la beuh. Sans arme à feu, nos poumons d'heure suffisent. Vivre, ramène le double scotch plus vite. Tu piges, qu'on fait du bif. Et qu'est-ce qu'on soit? Des bookmakers de renommée. C'est ce qu'on sera. Des jeunes entrepreneurs venant des zones agitées. S'il y a de la dope, fuck la moralité. Ouais. On blanchit le bif dans des magasins de sap macaille. Tous les L en l'air, les jeunes sont dans la place. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. La session live de l'entourage à l'instant. Yeah. Jeunes entrepreneurs. On en a bah encore fait là. Bah je... Attends. C'est pas bon. Reviens demain de retour entre 20 et 21 pour la suite de l'entourage, le Planète Rap. Allez. Merci exactement. À vous tous, messieurs. Ah, je voulais juste dire un truc, ouais. Excuse-moi, demain on sera avec certains membres de l'entourage en dédicace à Nantes, à la Fnac de Nantes, à 13h. À 13h demain. Ceux qui veulent venir nous voir et foutre le bordel, ben ça, bon. Et donc demain il y a moi, FJ et le escroc en concert. Ouais. À Magny-le-Hongre. C'est ça, ce genre de fast life. Voilà. La journée dédicace, on prend le train, on revient, on joue. Et le soir même, ouais, du côté du 7-7. Dédicace à Nantes, venez nombreux. Ouais. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. La petite roulette. Ouais. Place qui va dans son exclu. À choper maintenant sur Skyrock. Valentine de Dieppe, ça va Valentine? Ça va tout le monde? Ça va, bah écoute, tout le monde va bien, hein, tu connais l'entourage? Ouais, bah ouais. Oui, bien sûr. Ah, Valentine, tu as changé de voix. Tu es prête à faire tourner, Valentine, on y va? Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ouais. Elle tourne, elle tourne. Et ça va s'arrêter pour toi sur... Le spectacle préféré de Nekfeu, c'est deux places pour aller voir Kev Adams au Zénith de Rouen le 11 décembre prochain. C'est pour toi, Valentine. Ah, bah merci, merci beaucoup. Ciao, c'est ciao, super. Valentine. Pleure pas, Valentine, t'inquiète. Okay. C'est rien, elle est contente, elle pleure de joie. Merci, merci, on te fait un bisou, Valentine. Ok, bah moi bisous, aussi, Valentine. Un gros bisou. Ciao, salut. Passe une bonne soirée. L'entourage au fil rencard pour une partie demain entre 20 et 20. Non, il y aura peut-être tout le monde demain. Ouais, si vous êtes à Nantes, après il y a le concert, mais on essaiera de regrouper tout le monde demain. Il y aura tout le monde, c'est sûr. À l'antenne, sûr, entre 20 et 21, on rappelle que Jeunes Entrepreneurs, c'est dans les bacs. C'est dans les bacs, ouais. Dieu. Et le 14 juin, c'est l'Olympia. Que les poteaux de l'entourage sont aussi du côté de Bastille en ce moment. Ils sont là en ce moment même. Et un big up aussi à la street team qui collait des affiches avec nous certains gros soirs. Big up. Un big up à l'équipe de Believe aussi qui fait le taf en ce moment même. Yeah, yeah, yeah. Voilà. Merci. Et merci à vous. Demain, un petit peu avant 20h, on sera de retour. Et là, on va retrouver Difool, la radio libre et toute l'équipe. Yeah, yeah, yeah. Et oui. Et oui. Et oui, les jeunes entrepreneurs sont là. Nous aussi. Jusqu'à minuit. Pour suivre l'équipe de France, notamment. Ça y est, ouais, c'est bientôt parti. Dans 10 minutes. Même pas le match démarre. On démarre avant. Comme ça, on a le temps de se préparer. Votre, tiens, vos pronostics pour le match de foot de ce soir. France-Norvège. Alors? Alors, la France va gagner. Ouais, 2-0 la France. Allez, combien, la France. Combien? Ouais, moi aussi 2-0. 2-0, ouais. 2-0. Ouais, 2-0. Ah, Doom, c'est le Norvégien de l'équipe. On va faire taper 2-1, exactement. Ah, toi, tu penses que la Norvège. Il va y avoir un partout. Doom, ça pariait. Un partout, tu vois, c'est un peu. Il y a un peu de tout. C'est bien. C'est un peu l'auberge espagnole, là. Bah, c'est pas dit l'entourage, vous êtes plusieurs, vous êtes sûr. Il est sûr que quelqu'un aura la bonne réponse. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes tellement. Bon, on vous retrouve demain, juste avant 20h. Planète Rap, à pas louper. L'entourage. Les jeunes entrepreneurs et le 14 juin à l'Olympia, je crois que vous l'avez dit là en plus. Ouais, tu seras là, Difool. Hein. 14 juin, c'est quel jour le 14 juin? C'est le 14 juin, c'est un samedi. C'est un samedi, non, ah, c'est un samedi. Ah, oui. Ah, bah là, il y a des chances alors. Oui. Si on vient pas avant l'appel du 10 juin. Si on vient pas, c'est pas bien. Ouais, c'est un samedi le 14 juin. Ouais. Et ben l'entourage a pas loupé. En tout cas, c'est demain dans Planète Rap. Ouais, c'est le retour. Et ben rendez-vous demain. Ciao. On sera là avec vous et là dans un instant, c'est parti pour la Radio Libre. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, vous débarquez ici en direct. On a le match à suivre et tout le reste aussi. Radio Libre, on y va tout de suite. À demain, Fredo. Ciao, ciao. Ciao.